De Québec, Canada, vous écoutez Production Radicale. Bonjour et bienvenue à Production Radicale. Production Radicale, c'est une radio Internet gratuite qui vous offre une alternative à la propagande des médias de masse. Ici, il n'y a pas d'agenda caché et nous sommes libres de penser et de dire ce que l'on veut. Comme d'habitude, je vous rappelle que tous les épisodes de Production Radicale se retrouvent sur Internet à www.productionradicale.wordpress.com. Et si vous avez des commentaires ou vous voulez participer, envoyez-moi un courriel à radical.action@hotmail.ca. Bonne écoute! Allô, et re-bienvenue à une autre émission de Production Radicale. Cette semaine, chers auditeurs et auditrices, on va rencontrer Michel Doré-Lauzon. Michel, c'est un homme qui fait des vidéos sur YouTube, puis qui parle d'actualité et qui expose le mensonge. Si vous voulez aller écouter pour vous-même, son nom d'utilisateur, c'est 911-ALLO, dans un seul mot. Comme vous allez le voir par vous autres-mêmes, Michel possède une connaissance très étendue sur divers sujets. Il y en a gros à dire sur les agendas cachés des politiciens, les médias, les corporations, le sionisme et l'économie, entre autres. Bon, ceci étant dit, c'est parti pour l'entrevue avec Michel Doré-Lauzon. Un poil à poil. 6 cochons et 11 enfants. Il s'est levé un bon matin, cicatrice sur son terrain, les yeux pleins d'eau, il a dit calvaire, on est en train de voler ma terre. Oh, oh, oh. Quand t'es bien tranquille chez vous, si elle compte tes hivers, puis elle te mêle tes affaires, j'ai quoi sur le cœur, j'ai pas le cœur. À te le dire. Oh, oh, oh. Il y avait un vieux dans le bas du fleuve, avec un cœur de 30 arpents. On l'a tué à coup de tracteur, le sang a coulé par en dedans. Sa femme est là et qui dort plus. Parti les petits non plus. Tous à celle, c'est pas ses modes. Peut pas éviter l'exode. Non, non, non. Quand t'es bien tranquille chez vous, si à compter les hivers, puis à mêler tes affaires, j'ai quoi sur le cœur, j'ai pas le cœur à te dire. Bon, ok, je rouvre mon Skype et puis je l'appelle right now. Allô? Salut, salut Michel. Salut. Ça va bien? Oui. Quoi de neuf? Plein de choses, j'imagine. Sac, moi, c'est écœurant ce que j'entends, là. La censure Internet, Radio-Canada parle de Dieu à journée longue, à peu près, là. Ça m'est effrayant. Ouais, là, en train de... là, il parle de Gary Carter. Ah oui, ouais, le baseball, ça. Oui. Ouais. Oui, ça, c'est... Oui, dire, une chance, tu me dis baseball, là, parce que j'aurais pu penser que c'était à soccer ou n'importe quoi. OK. Moi, je ne suis pas dedans. Non. C'est comme une religion, un peu, le sport. Ça en est une. Mais hein, ça en est une. Ah, exactement. Ah, on voit ça avec le Super Bowl. C'est comme une grosse messe, là, tu sais. Il y a des millions de personnes qui vont à la messe du Super Bowl. Hey, mais Madonna, là. Ouais. Au Super Bowl, là. T'as assez fucké, oui, merci, là. C'est un show sataniste, ça, là. Ben, il y avait beaucoup de la lettre M un peu partout, puis de quoi tu fais allusion, toi? Ben, j'ai vu une vidéo. Écoute, excuse-moi. Voyons. J'ai vu une vidéo, puis là, il y avait une autre chanteuse, là, qui a fait partie du show de Madonna. Qui allait vite pendant le spectacle. Je sais pas si c'est qui ont essayé de me faire croire que ça faisait partie du show du Super Bowl puis que ça en faisait pas partie ou quoi, là. Mais la vidéo que j'ai vue, là, il me laisse à croire que la fille là, qui s'appelle c'est Nikki Manage, je sais pas quoi, là. Manage, je pense. Elle était horizontale, puis elle a lévité là, jusqu'à à peu près 20 ou 25 pieds, là, horizontale dans les airs. Là. OK. Elle tirait même sur sa propre ficelle pour monter vers le ciel. Ah, ouais. Ça sautait bien. Moi, je me suis tanné de voir Madonna au Super Bowl parce que je me disais, il faut que j'écoute ça, c'est sûr que c'est comme. C'est sûr qu'il y a des images là-dedans, là. Mm-hmm. Je me suis tanné, mais ça a l'air que j'aurais dû finir. Ouais. Puis elle avait des symboles là, sataniques. Un gars qui joue de la lyre, mais les lyres avaient les formes. Tu sais, une lyre avec une vraie lyre, là, ça a la forme des cornes d'un auroch. OK. OK, c'est comme c'est quasiment un S dans le fond, là. Et puis le gars jouait de ça, mais il en jouait comme si c'était de la guitare électrique. C'était un vrai je sais pas comment dire, là. C'était weird en tout cas, là. Mais c'est bien à la mode, là. Tu regardes moi j'écoute pas beaucoup la musique populaire, là, mais Lady Gaga, j'ai pogné une couple de vidéos d'elle. Ouais, et c'est juste c'est juste des symboles un après l'autre. Ben oui, ça arrête pas. Non, mais c'est ça. Ils sont en train de rentrer là, la symbologie de Illuminati puis tout ça dans toutes les vidéos de rap, dans toutes les affaires qui se passent à la télé. Les jeunes, ils normalisent le satanisme. C'est ça, exactement. Ouais, exactement. Ils commencent à, les jeunes vont être élevés là-dedans. Tu sais, ça va être rendu normal tout ça, là, tu sais. Ah, c'est des héros. Michel, j'ai. Comme je t'avais dit là, dans mon courriel, j'ai préparé une petite liste de questions que j'aimerais passer à travers, mais on peut déraper, c'est pas un problème, là. Puis comme ça, ben on va apprendre à connaître un peu plus, là, tu sais, qui Michel Lauzon, puis tout ça. Mais moi, quand je t'ai rencontré, c'est-à-dire quand la première fois que j'ai fait connaissance, c'était avec tes vidéos YouTube. T'en as plusieurs, là, je sais pas, tu dois en avoir une cinquantaine, une centaine, je sais plus combien. Mais non, je pense que je suis rendu à 600 quelques. Ouais, ça fait un bout que tu fais ça, là, tu sais. Ouais. Puis ben, c'est possible, moi, j'en prenais au hasard comme ça. Puis j'ai trouvé ça assez intéressant. Mais j'ai cru comprendre une chose que tu mentionnes, qui t'intéressait. C'est comme le reverse engineering un peu de la société. Puis c'est ça, je voulais te demander. Tu sembles être sur une genre de quête. Tu sais, t'as comme. Il y a quelque chose. La vérité. Ouais, c'est ça. Tu peux-tu nous dire un peu c'est qui ça, Michel Lauzon? Puis c'est quoi là, le filon qui est commun dans tes vidéos, là, tu sais? OK. Tu bouges pas une seconde, je pogne mes cigarettes. Ouais, vas-y, fort. C'est mon seul défaut. Ouais. OK. C'est qui Michel Lauzon? Rien que ça, c'est une bonne question, parce que moi-même, ça m'a pris du temps à comprendre. Moi, je suis pas né Lauzon, je suis né Doré. OK. Puis géré, ma mère a rencontré un avocat, OK, qui nous a adoptés. On a signé des formules pour être adoptés. On a dû être les premiers de la province à passer sur le coup d'une nouvelle loi, là. C'est quoi, en 71, peut-être? Fait que moi, j'ai signé pour accepter de changer de nom. OK? Mm-hmm. Fait que je m'appelais plus Doré, j'ai été renommé Lauzon. OK? Ouais. OK? Par une nouvelle loi qui, dans le fond, autorisait l'Église à mentir par écrit, à créer des faux baptistères. Ouais, ben c'est ça que j'allais dire, l'Église, elle devait être là-dedans, là. Mm-hmm. Ben oui, ils ont carrément créé un faux. Fait que c'est faux et usage de faux. Mm. Un faux baptistère, tu sais, une fausse moraine, un faux parrain. Moi, je savais que je changerais de nom, mais je savais pas que ça serait par un mensonge légitime. Légaliser, si on veut. Ouais, ben, okay. on a tout un nom, on est tout un peu comme une corporation de nous-mêmes, hein, à leurs yeux, là. Oui, en lettres majuscules, là. Ouais, c'est ça. Ben, oui, mais moi, là, c'est encore plus évident parce que, tu sais, quand ils nous racontent ça, ils nous parlent d'arguments légaux, là, que personne ne comprend, dans le fond, là. Tu sais, on comprend pas ce dont ils parlent. Mm-hmm. Je suis déjà allé à une conférence de Normandin, là, celui qui parle de ça, mm-hmm. Tu sais, qui dit qu'on a tous des numéros longs comme le bras, puis que le suffixe veut dire le Canada ou un autre pays, là, puis moi, je me suis levé, puis j'ai demandé qui c'est qui assigne ces numéros-là, si le suffixe dépend du pays. Il a jamais accepté de répondre. Mm. Jamais. Jamais. J'étais en maudit, en fait. Mm-hmm. j'étais pas content qu'il soit pas capable d'expliquer ça ou qu'il refuse de l'expliquer, parce que s'il est capable de l'expliquer, ben s'il est capable de le dénoncer, c'est parce qu'il sait d'où ça vient. Mm-hmm. Mais il refusait de le dire. Okay, j'étais pas content. en tout cas, peu importe. Mm-hmm. Mais quand je me suis rendu compte que c'était si clair que ça, que c'était un mensonge qui créait un nouveau nom de famille, un mensonge de l'Église, je suis allé au poste de police. OK? Mm. J'ai dit, hey, ça marche pas, là. Il y a un mensonge qui change mon identité. Pouvez-vous m'aider? Ils ont refusé. Comme si là, la police était ton ami qui allait t'aider. Ouais, c'est ça, que j'étais assez naïf, là, mais je me disais, attendez, ils ne peuvent pas refuser ça, c'est une fraude. Mm-hmm. Mais ils ont refusé. Là, j'ai dit, je te remercie de me montrer dans quelqu'un que tu travailles. Ouais, exactement. OK? Là, ça me troublait, ça. Fait que là, j'ai parlé à un notaire, qui est en fait un politicien élu de la ville de Saint-Jean, là, qui dénonce même qu'ils font exprès pour saboter le pont, le vieux pont entre Iberville et Saint-Jean, mm-hmm. pour qu'il y ait besoin de plus d'entretien, plus d'asphalte. Hein? Ils ont diminué le drainage. Fait que la sable, l'eau servent de sandblaster, puis ils vendent plus d'asphalte. OK. OK? Ouais. Et ça, c'est le mensonge de premier niveau, c'est l'argent. Là. Mm-hmm. Le deuxième, c'est que l'argent n'est pas vrai, c'est une dette. Hein? On travaille pour une dette, tu sais. Mm-hmm. C'est brillant, hein? Mais c'est ça que c'est, en fait, dans les faits, là. Mm-hmm. Ils ont détourné la signification de la vie sur Terre, là. Entre autres avec l'argent, qui est un excellent mensonge. Qui est juste un niveau de mensonge. Mais c'est contre Dieu tout le temps. Anyway. Fait que le notaire, il me dit, hey, Michel, va à l'évêché, il y a une cathédrale à Saint-Jean, mais là, c'est plus un évêché, ça relève de Longueuil, mais pareil. Fait que moi, je me rends là, et puis, je leur dis, écoutez, il y a un mensonge, là, que l'Église endosse, puis là, je dis, regardez, là, il est là, vous avez une face du pape, savez-vous c'est qui le pape que vous avez là? Là, vous avez un gros crucifix, mais ça insulte Dieu, ça marche pas. Tu sais? Pourquoi vous venez ça? Pourquoi vous corrigez un autre de vos mensonges mmh. qui a fait mon identité? Mmh. OK? La femme, elle s'est sauvée, puis elle a appelé la police. Ah ouais. Bon. Puis la police est venue. Mais les flics qui sont venus, là, il y en avait un des deux qui était venu pour essayer de m'arrêter parce que je voulais voter avec un stylo feuille pendant une élection. Puis il y a d'autres policiers qui ont joué à la chaise musicale dans des cas différents. Moi, j'ai un dossier criminel pour menace de mort envers le directeur général des élections du Québec, à qui j'ai jamais parlé. Fait que tout ça, là, c'est consistant. La police aide le mensonge de l'Église et refuse de m'aider quand je dis que c'est une fraude mm-hmm. au sujet de mon identité à moi. C'est vrai. Parce que si c'était moi qui avais fait la même fraude, là, les flics, ça serait pas long qu'ils m'auraient encabané. Oui, mais les policiers, les avocats, les juges, ceux qui sont au courant de ça, ils cachent tout ça, cette information-là, qu'on a des fausses identités. Fait que c'est certain qu'ils étaient, c'est certain que tu te frottais pas à des alliés. Ah oui, ouais. c'est sûr, mais il en reste que ça se peut pas qu'un mensonge soit illégal. Oui, mais c'est ça, tu as démontré. Ça n'a aucun sens. Concrètement, là. Tu as démontré concrètement que le système qui est là pour nous protéger, il était dans le coup, là. T'as fait. Puis, y compris le directeur général des élections du Québec, là. Mm-hmm. Hein, qui a fait semblant de ne pas voir les commandites pendant 5 ans jusqu'à temps que ça soit, comment on appelle ça quand. Ça soit prescrit, c'est-à-dire que tu as le droit d'appliquer une loi X années après que la loi ait été enfreinte, là. Mm-hmm. Ben, le directeur général des élections du Québec, c'est 5 ans. Ben, lui, il a attendu 5 ans et quelques mois. Mm. Puis il a fait une commission d'enquête sur les commandites. Il a fait semblant de ne pas voir que Gagliano allait escroquer des PME dans. Puis que c'était tellement évident que ça apparaissait dans le Journal de Montréal 2 fois, là, ou au moins, là, probablement en plus, mais moi, j'ai vu 2 fois. Bon, ils ont fait semblant de ne pas avoir vu ça. Mais, tu sais, le soir du référendum de 95, là, le oui, là, il fait 49.9, 50.1, c'était comme une partie de hockey truquée. Mm-hmm. Ça n'avait aucun sens. On était tous là, là, qu'on se disait, hey, sacrément. Puis, ça a été menti, je veux dire, Parizeau, là, il veut pas notre souveraineté. La souveraineté, là, c'est, elle peut appartenir à Satan, qui règne sur Terre, ou ben non, à Dieu, qui lui, il est pas là. Ouais, mais Parizeau, j'ai lu ça sur Internet, il y a eu une rencontre des les Bilderberg, je sais pas si tu connais, là, c'est un groupe, là. Oui. Les Bilderberg sont venus au Québec, je me souviens pas en quelle année, puis Parizeau était là, était invité là, puis autour de la table, il y avait Pierre-Éliott Trudeau, puis qui donc il y avait, en tout cas, regarde, moi, t'ai prédit, moi. OK? Moi, j'ai jamais entendu la liste, mais je vais te gager qu'il y avait Pierre-Éliott Trudeau, Jean Chrétien, Paul Martin, Brian Mulroney. Ouais, ils sont tous des anciens employés de Paul Desmarais, Power Corporation. Ouais. Power Corporation, la pouponnière à premier ministre. Ah oui, puis sans compter Maurice Strong, le père des accords de Kyoto, qui était décrit comme un mélange entre Machiavel et Rasputin par une journaliste femelle de CBS. C'est bon. Hein? Ouais. Puis Maurice Strong qui a signé les chèques qui ont permis de... Alors qu'il était à l'ONU, mais il a déjà été président de Petro-Canada, il a été nommé par Pierre-Éliott Trudeau, ancien employé de Power Corporation. Maurice Strong lui-même, président émeritus de Power Corporation, selon le site web de Power Corporation, OK, qui a été aussi président d'Hydro-Ontario, alors qu'il était président d'Hydro-Ontario. Hydro-Ontario, Hydro-Québec et Power Corporation ont convenu de créer une espèce de corporation pour faire la promotion de l'énergie, là, puis c'était Power Asia, en Asie. Ah, ouais. Aussitôt que Power Corporation a reçu l'argent d'Hydro-Québec et Hydro-Ontario, ils ont ouvert une succursale, ils ont déménagé le siège social dans un paradis fiscal des Bermudes en disant aux deux, hey, regardez, vous êtes fait fourrer. Ils ont jamais, Hydro-Ontario, Hydro-Québec, ont jamais accepté de dire en public, hey, on s'est fait fourrer par Power Corporation, qui ont ouvert un siège social dans un paradis fiscal, ce qu'on n'a pas le droit de faire. C'est Maurice Strong, là, c'est un hypocrite parce que lui, il vient justement de ce que tu dis, là, la gang là, de magouilleurs de Power Corporation. Puis là, c'est lui qui est comme le père de l'environnementaliste là, à Rio. Ça a commencé à Rio. Depuis là, là c'est une conférence après l'autre. Puis ils mettent en place là, toute la structure environnementale. Puis tout ça. Puis c'est supposément Maurice Strong qui tient à cœur à nous aider et à aider l'environnement. Mais on sait bien. Oui, mais c'est de la bullshit. Là, ils ont créé Kyoto pour le saboter. Ils l'ont saboté à Copenhague pendant l'Anuka, qui est une fête du Talmud. OK? Ils ont répété le, ça, c'était en 2009. En 2010, Ouais, c'est ça. C'est pas en 2011. C'était en 2010, pas en 2009. En 2009, ils ont saboté Kyoto à Copenhague pendant l'Anuka, OK, avec un 11 durant ces fêtes-là qui était très fort. La même chose en 2010, ils ont saboté, si on veut, Copenhague à Cancun ou Kyoto à Cancun, une autre fois. Encore pendant l'Anuka, encore pendant un 11. OK? J'ai fait des vidéos là-dessus, là. C'est quasiment magique. Ouais. C'est quasiment magique. Hey, écoute, Maurice Strong signait des chèques au nom de l'ONU, OK, ou des autorisations de transfert de fonds entre le pétrole de l'Irak, parce que l'Irak était sous le coup ou sous le contrôle de l'ONU durant le programme pétrole contre nourriture entre les deux guerres, là, entre celle de George Herbert Walker Bush avec Desert Storm en 1991 ou 10. C'est le 9 septembre 90 que George Herbert Walker Bush a prononcé les mots « Nouvel ordre mondial » pour la première fois en public devant le Congrès aussi, devant la TV. Ouais, j'entends ça. C'est C'était exactement 11 ans avant le 11 septembre 2001. Ah oui. 11 ans, zéro jour, puis je garde zéro minute en quelque part. Parce que ça aurait de l'allure que son discours ait été prononcé peut-être au moment que la première avion a frappé, peut-être au moment que la première tour s'est écroulée, je le sais pas, mais je te le gage. C'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai fait moi-même un parallèle entre nos prétendus sauveurs de l'environnement, puis ceux qui possèdent des compagnies, soit de pétrole ou les compagnies minières ou de diamants. Puis moi, le lien que j'ai vu, moi, c'est le prince Philippe, okay, puis toute sa gang de banquiers. Là. Le prince Philippe, là, c'est lui qui a mis en place Greenpeace, Sierra Club, The Friends of the Earth, World WWF, là, un des plus grands... World Wildlife Foundation. Ouais. Puis là, lui... Ceux qui utilisent le panda comme ouais, symbole. C'est ça, avec un panda, oeil. Là, c'est un singe, hein? C'est pas un ours. Je sais pas, je suis pas au courant, mais regarde... Le singe, c'est une méthode satanique de se moquer de l'homme ou de Jésus, si tu veux, là. Ah, ben, que je comprends pas, moi, hein, Jésus, en passant, là. Moi, j'y vois très... Moi, j'suis un gars qui croit en Dieu, mais je suis très pragmatique. Je comprends pas Jésus. Mm-hmm. J'ai pas encore pogné des mensonges, peut-être, là. Mm-hmm. Mais je le comprends pas, fait que j'en parle pas, sauf quand je sais que ça sert de symbole contre Dieu. Mm-hmm. À chaque fois qu'il publie une image... Mm-hmm. De Jésus, c'est un insulte à Dieu. Ouais, ben, quand que moi, j'ai toujours trouvé ça curieux que quand tu vas à l'église, il y a une grosse croix, puis Jésus qui est comme cloué, là, puis ben, tu sens, là, sur la croix. Alors, bon. Alors que, il me semble que le message, c'était pas qu'il est ressuscité, puis qu'il a sauvé l'humanité. Donc, il devrait pas être sur la croix, selon moi. Ben non, il est pas mort. Mais, moi, la seule chose que je sais, là, OK? Je dis pas que je crois en Jésus, mais je dis pas que j'y crois pas. OK? Mm-hmm. Ce que je dis, c'est que je comprends pas. Ouais. Que je parle pas de ce que je comprends pas. Puis, ma plus grande source d'information que j'ai toujours eue dans ma vie, c'est le mensonge. Ouais, okay? Ben, j'avoue. Ça va avec la théorie de l'information. Que plus un événement est surprenant, plus il contient d'informations. OK? En fait, plus un message dissipe du doute dans ta tête ou dans la tête de celui qui le reçoit, l'information, plus il reçoit d'informations. Ça, c'est prouvé. C'est le prix Nobel de 56, là, de Claude Shannon, le théorème de l'information, qui quantifie l'information. Mais l'information, elle fait partie de la matière. Hein? La mécanique quantique, ce qu'elle dit, c'est le principe d'incertitude d'Heisenberg, là. Mm-hmm. OK? Qui essaye de fonder la mécanique, qui est la fondation de la théorie de la mécanique quantique, ben, ce qu'il nous dit, c'est que quand les électrons, ils savent qu'ils sont observés, ils changent de comportement. Parce que l'information affecte la matière. Si j'approche deux atomes d'hydrogène, mettons, à une température très basse, leurs électrons occupent exactement les mêmes niveaux d'énergie. Mais si je les rapproche, en quelque part, ils savent qu'ils sont en présence l'un de l'autre, puis ils changent le niveau d'énergie pour ne pas être pareils. Mm-hmm. Ben, les gouvernements, eux autres, ils veulent tous qu'on soit pareils. C'est le contraire de Dieu. C'est le contraire de la nature. Puis ça, c'est significatif. Veux, veux pas. Mm-hmm. OK? Tu peux pas expliquer ça autrement. Que le fait que nos gouvernements agissent contre Dieu, qu'il existe un déterminisme satanique dans l'histoire. Mm-hmm. Ben moi, autant que dans la crise d'octobre, si tu analyses, si tu pouvais lire l'histoire de la crise d'octobre, là, tu te rendrais compte là, que Michel Chartrand était préparé dès sa jeunesse. Je ne sais pas s'il est allé dans des jésuites. Il faudrait que je refouille celle-là. Là. Je dois le dire dans mon vidéo où je parle de Michel Chartrand. C'est après que j'ai eu la foi, j'ai fait un dernier test. Je suis allé tester Michel Chartrand, OK? En lui proposant de faire le bien pour lui, pour moi, puis pour tout le monde, OK? Ça, c'est le test ultime. Si tu veux savoir qui est qui, là, tu lui proposes une solution win-win-win. Mm-hmm. Pour lui, pour toi et pour tout le monde. S'il refuse, là, Tata répond. OK? J'ai testé Chartrain. Puis, Chartrain, là, il est issu de l'Église. Hein, il a été, entre autres, dans un parti, dans un syndicat chrétien dans lequel Trudeau l'avait invité. Hey! S'est associé avec Trudeau, mais il s'est aussi associé avec le maire, le vieux maire qui a fait les Olympiques, là, à Montréal. Le maire Drapeau? Oui, oui, le maire Drapeau. Il a aussi été associé avec Carrière, le gars qui était un des proprios de la place du Puy, mais il s'est associé aussi avec le syndicat de la chemise. Ouais. Puis le textile était contrôlé par les faux juifs à cette époque-là au Québec. Là. Mm-hmm. Tout le monde disait ça. OK? il a été aussi associé avec la grève de l'amiante, là, de Johns Manville, il y a eu des morts, avec la grève de Murdochville, la mine de cuivre en Gaspésie, là où il y a eu des morts aussi. Mm-hmm. Mais ce gars-là, moi, j'ai analysé toute sa vie après l'avoir testé. Puis là, je me suis rendu compte qu'il servait à rendre Dieu compliqué. Il a toujours référé à Dieu, mais avec des choses qui n'étaient pas vraies, avec des sophismes. Puis dans les faits, mettons, il était dans un syndicat chrétien, mais il a proposé, il a voulu faire partie de l'armée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il s'est porté comme volontaire, il était refusé. Puis pour avoir l'air d'une victime, si tu veux, là. Mm-hmm. Mais Michel Chartrain, c'est un faux. Pasteur, tu as un profil similaire pour Drapeau, pour René Lévesque, pour Parizeau, pour Lucien Bouchard, là, il est rendu dans les gaz de schiste. Oui, bien ça, on a vu ses vraies couleurs. Monsieur Bouchard qui voulait le bon sauveur du peuple québécois, qui voulait aider le Québec, là, mais ça n'a pas été long qu'on voit qu'il représente, c'est qui représente vraiment. Mais là, tu l'as, le sauveur. C'est un faux sauveur. Ouais, c'est ça, exactement. Okay? C'est pour ça qu'il a servi à ça. Tu sais, même le moment où il a perdu sa jambe, là. Okay? Il était tellement bas en crédibilité, là, que moi, je me suis dit, hey, sacrement, ça donne donc bien. Ouais, ben là. Puis, t'as juste, je me suis dit ça, là, il y a quoi, là? Ça fait au moins 10 ans, là. Plus que 10 ans, là. 12 ans, peut-être. Probablement 13, 14, 15 ans, je sais plus. Mais je me souviens qu'au moment où il l'a perdu, il en avait besoin de sympathie. Il avait besoin d'altruisme, il avait besoin d'empathie. Mais je veux dire, ils viennent automatiquement avec le malheur. J'imagine de la part des autres. Pas, oui. J'imagine que ce que tu veux dire, si je me trompe pas, c'est que il aurait pu garder ça privé, mais il l'a pas gardé privé. C'est sûrement pas qu'il a voulu perdre une jambe pour avoir de la sympathie, là, tu sais. Je sais pas, moi. Là, non. C'est le contraire que j'ose dire, en fait. Ouais, mais tu sais. C'est que ça donnait trop bien. Écoute, pour là, les faux juifs qui forment la synagogue de Satan, selon l'Apocalypse, puis qui sont documentés et prouvés par l'histoire, là. OK? Pour eux autres, là, s'entretuer, là, se mourir, se faire tuer. C'est comme un sacrifice envers le mensonge qu'ils servent. Mm-hmm. OK? C'est pas un hasard s'il y a autant de parallèles entre John F. Kennedy et Lincoln. Tous les deux ont fait semblant de s'opposer à la Federal Reserve. Mais il n'y a jamais rien arrivé. Ça n'a jamais eu aucune conséquence. Sauf la conscience d'un très faible nombre d'individus. Mais Michel, okay? Je pense que moi, ce que je comprends, là, dis-moi si je me trompe, c'est que le mensonge puis la vérité, ils ont été inversés dans un sens. Là, oui. Ce que le monde pense qui est vrai, c'est souvent le mensonge. Puis quand tu dis à quelqu'un la vérité, ben, il est convaincu que tu es en train de mentir, tu sais? Oui. Tu as exactement raison. Ouais, se déguiser, se faire semblant qu'on est Dieu tel que prévu par toutes les Écritures, là. OK? Faire semblant qu'on est Dieu, c'est de déguiser le mensonge en vérité. OK? Puis c'est 100%, c'est le plus grand but qu'ils ont de se déguiser en Dieu, de nous faire porter un acte de foi envers le mensonge. C'est pareil comme Big Brother. OK? L'amour est interdit. Mais tu vois, matin, il y a un il y a un directeur de prison qui a été condamné à la prison parce qu'il a aimé une détenue. Il est vraiment tombé en amour avec. Mm-hmm. Puis il a fait l'amour avec. Mm-hmm. Les deux le disent. OK? Mm-hmm. Fait que l'amour est interdit. Puis dans le 1984, là, qui a été écrit en 1948, change deux chiffres. Le film de Orwell, ça? Oui, George Orwell. Ouais. George Orwell, là, dans son livre, là, il parle d'un journaliste qui travaille pour Big Brother, mm-hmm. puis qui est payé pour mentir l'histoire. Mm-hmm. OK? Mm-hmm. C'est exactement ça qu'il faisait. Il travaillait pour BBC, c'est pas Big Brother Corporation, c'est British Broadcasting Corporation. Il a été trahi par une femme dans le livre du 1984, pareil comme il a été trahi par une femme dans la vraie vie. Il a écrit 1984 qui parlait de son futur à lui, mais aussi du futur de l'humanité. Mm-hmm. Parce qu'il était, il est devenu riche à cause de 1984, dans lequel il parle d'une femme qui l'a trahi dans la vraie vie. Elle a accepté de le marier après plusieurs refus, alors qu'il était en train de mourir. Mm-hmm. OK? Mais dans le livre, il meurt psychologiquement. Il accepte le mensonge. Ouais, il mais a été brainwashé. Pour tous ceux là qui n'ont pas vu là, qui ont pas lu ce livre-là, il y a un film. Je l'ai écouté là, encore une fois pour une deuxième fois, là, pas longtemps. Ça vaut la peine d'être écouté parce que ce qui se passe dans ce film-là, c'est drôlement proche de ce qui commence à se passer ben oui. En ce moment dans nos jours. Puis, Michel, et ça se déroule en Angleterre. Puis Michel, je ne vais pas t'interrompre, mais on prend une petite pause ici musicale là, pour nos auditeurs pour qu'ils puissent prendre une pause. On va revenir, ah oui? On va revenir dans une couple de minutes. OK. Québec, Canada, vous écoutez Production Radicale. Bon, on est de retour et on parle avec Michel Lauzon. Et puis, Michel, j'ai une autre question que j'aimerais te poser ici. Tu parles dans certaines de tes vidéos de l'économie de décroissance. Fait. Moi, j'avais jamais entendu ça. Fait que c'est quoi ta théorie de l'économie de décroissance? OK. L'enseigne d'Auschwitz, OK, dit le travail vous libérera. OK? Mm-hmm. Ça a été payé par des faux juifs. Des faux juifs qui ont payé pour Auschwitz, qui ont financé Hitler, qui était, selon toute vraisemblance, lui-même un faux juif, là, un fils secret des Rothschild, un peu comme Lincoln. Mm-hmm. Okay. Comme Washington, sous Lincoln ou Washington? Moi, c'est Lincoln. Okay, Lincoln okay. A créé le greenback, OK, l'argent qu'on connaît sous sa forme actuelle, là, le 1$ que la pyramide. Mm-hmm, mm-hmm. OK, ouais. C'est pour ça qu'il l'appelait comme ça. C'était de l'argent qui était créé sans dette. Fait qu'il s'opposait à la Federal Reserve. Ben, ça s'appelait pas comme ça à l'époque, là. Il y a eu plusieurs banques centrales aux États-Unis, mais c'était tout le temps des faux juifs, des Rothschild, entre autres, qui étaient au volant de ça. Juste pour l'imposer. Juste pour les écouteurs, oui. les ceux qui écoutent, moi je sais de quoi tu parles, les faux juifs, là, mais il y en a du monde qui vont se dire ben il y a juste des juifs. C'est quoi ça, un faux juif? Tu peux-tu nous dire ça rapidement? C'est quoi un faux juif par rapport à un vrai juif? OK. Être juif, selon les juifs eux-mêmes, t'es juif si ta mère était juive. OK? Autrement dit, c'est génétique. Mm. Là, ils essayent de nous faire croire que c'est une religion. Mais c'est une race. Tu sais, t'as pas d'esquimaux. Eux autres, ils font croire que tu peux faire un juif avec un esquimau. Hein? Mais, là, on remonte dans la Bible. OK? Caïn et Abel sont les fils de Lucifer. Ça, c'est prouvé, noir sur blanc, par la Genèse 5, qui dit que le seul fils de Adam, c'est le troisième de Ève, c'est Seth. OK? Puis ça, c'est clair. Puis aussi, il y a l'étymologie de Caïn qui signifie le fils du malin. Puis ça, c'est cité dans la Bible à plusieurs endroits. Mais Caïn s'est sauvé à l'Orient, puis a fondé la ville de Ur, là où Abraham et Moïse sont nés. Fait que le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, il n'y avait pas le choix. C'était le Dieu de Babylone, sinon il se serait fait tuer. C'est pas vrai l'Exode, c'est pas vrai l'exil, c'est pas vrai que Moïse est né dans un panier sur le Nil. OK? Mm-hmm. Tout ça, c'est pour nous mêler. Puis, si tu veux, tous les empires descendent de Babylone. Mais les faux juifs aussi, OK? Parce qu'ils disent que les juifs ont été maintenus, ont été sauvés de l'Égypte par Moïse, ouais, ça c'est l'Exode, ouais. Mais qui ont été aussi enlevés par Babylone, ça c'est l'exil. Mm-hmm. Mais c'est pas vrai tout ça. Fait que toute la Bible est écrite en double talk. Par exemple, Moïse a écrit 6 livres dans l'Ancien Testament, dans lesquels Dieu est méchant, Dieu punit, Dieu veut tuer tous les enfants de Pharaon, tous les enfants d'Égypte, parce qu'ils ne croient pas dans le Dieu de Moïse. Mais le Dieu de Moïse, c'est Lucifer. Mm-hmm. OK? Puis dans Daniel 2, 31, il parle que tous les empires descendent de Babylone, et c'est le cas. OK? Par exemple, le roi David qui est enterré sur le mont Sion dans Jérusalem-Est, la montagne sacrée, c'est ça, le mont Sion, mm-hmm. dans l'Ancien Testament dont on parle. Le roi David était adoré comme un dieu dans l'Ancien Testament. OK? Fait que le roi David descend de Babylone, puis le roi David, c'est l'ancêtre de la reine pape du Royaume-Uni, la commandante suprême de toutes les armées, incluant le Canada, qui est une colonie. Mm-hmm. Elle décide des guerres du Canada, la reine. Ça, c'est toutes des choses éparses qu'on oublie. Mais c'est la réalité. Il n'y a pas aussi, okay? À l'époque, les Khazars. Il y a un moment donné, c'est le roi, il a décidé que tout le monde allait être converti à la religion juive. Donc ça aussi, au Talmud. au Talmud de Babylone. La religion juive, là, dans le cas des Khazars, se sont convertis au Talmud de Babylone. Le Talmud, là, c'est pas tellement gentil quand tu dis ça, hein? On va s'entendre, là, c'est carrément satané. Exemple, t'as le droit de coucher avec un enfant en autant qu'il est en bas de 5 ans. En bas? Oui, qu'il ait moins de 5 ans. C'est aussi débile que ça, là. À chaque fois que tu vas tomber sur une citation du Talmud, là, les poils vont te dresser sur les bras, pareil comme moi. OK? Parce que c'est satanique. Puis, tous les empires descendent de Babylone, c'est prouvé. Daniel 2.31 a raison. Et il y a une tête en or, des épaules en argent qui représente l'empire grec ou de Macédoine ou encore Médo-Perse, dépendant des points de vue, mais c'est toute la même gang. Tu sais, ils nous ont menti au sujet des civilisations. À chaque deux coins de rue, là, ça change de nom, les civilisations, selon l'histoire. Mais c'est beaucoup plus grand que ça. Les Skits et les Khazars. Les Khazars, ce sont états sataniques. Puis se sont convertis au Talmud de Babylone en 648 après Jésus-Christ. OK, tu as eu les Sepharades là, de la péninsule ibérique, là. C'est-à-dire l'Espagne et le Portugal. Eux autres se sont convertis en 400. Ensuite, tu as eu les faux juifs berbères qui, eux autres, se sont convertis à peu près à la même époque. Mais tu as eu aussi, par exemple, Néron, hein, qui a demandé à ses soldats de se déguiser en faux juifs convertis avant de mettre le feu à Rome, OK, pour être capable de justifier une répression des faux juifs convertis. Se sont toujours battus entre eux autres. Tu sais, Hitler, Staline, Lénine, Roosevelt, Churchill étaient tous des faux juifs. Mais là, Michel, semblant de se battre. Si tu dis qu'il y a des faux juifs, de l'économie, hein? Ouais, on va revenir à l'économie, mais juste pour finir, là, si tu dis qu'il y a des faux juifs, ça veut dire, ça l'implique qu'il y a des vrais juifs, là. Non? Ben, il semblerait qu'il y en ait, OK? Mm-hmm. Selon Shlomo Sam, ça serait les Palestiniens. Il n'y a pas eu d'exil, pas eu d'exode, mais il n'y a pas eu d'immigration non plus parce que les juifs étaient des agriculteurs. Ça ne déménage pas tous les deux semaines, ça. OK? Puis, il n'y a pas eu de vraiment d'immigration significative. Fait que les vrais juifs de la Bible n'auraient pas vraiment sorti de la terre promise. C'est quoi ce Shlomo Sam? C'est un auteur? Shlomo Sam, c'est un professeur d'histoire à l'Université de Tel Aviv. Okay. Qui croyait qu'il était un juif polonais. Il est né dans un camp de concentration. OK? Mais maintenant, il dit qu'il n'est pas un juif. Y a-t-il un livre? Il en a écrit plusieurs, mais le plus frappant, c'est comment le peuple juif fut inventé. OK, donc c'est bon. OK, puis c'est vraiment hot, parce que ce gars-là explique que toute la Bible est écrite en double talk. Ça veut dire que quand Moïse et d'autres faux juifs qui ont écrit l'Ancien Testament, puis une partie du Nouveau aussi, quand tu parles d'un Dieu qui est méchant, d'un Dieu qui juge, d'un Dieu qui va créer un enfer, d'un Dieu qui refuse le libre choix, d'un Dieu qui punit, qui est vengeur, qui est jaloux, qui fait tout ce qu'il nous demande de pas faire, ben c'est leur Dieu à eux autres. Finalement, la Bible, eux autres mêmes nous disent qu'un jour, Satan va régner sur terre, ce qui est le cas, mais sauf que ça fait bien plus longtemps. C'est arrivé avant qu'ils écrivent la Bible. OK, ben là, je vais te ramener à la question de l'économie de décroissance. C'est moi qui t'ai parti sur c'est quoi un faux juif, mais parce que tu parlais un peu de ça. Mais l'économie de décroissance ou la théo-économie, c'est quoi au juste? Présentement, ils nous disent que la seule économie possible, c'est celle de croissance dans laquelle il faut qu'on sabote tout. Hein? Un frigidaire durait 40 ans, mais là, il dure 10 ans si t'es chanceux. OK? Pourquoi? Parce qu'il faut créer d'emplois selon eux autres. L'enseigne de Auschwitz, le travail vous libérera. Ça en fait partie. Ils ont créé Kyoto parce que si on avait une bourse du carbone, ça serait la meilleure méthode de limiter au maximum nos émissions. OK? Puis de protéger l'environnement. De se sauver, autrement dit. Sauf qu'une bourse du carbone publique dans laquelle un pauvre pourrait vendre son droit de travailler qui est identique au droit de polluer, étant donné la quantité astronomique de sabotage dont on a besoin de qu'on a besoin. Pour créer un nouvel emploi, il faut que tu sabotes quelque chose. OK? Maintenant, avec la techno qu'on a, qui est sabotée aussi. Fait que si on avait une économie de décroissance, un pauvre pourrait vendre son droit de polluer ou de travailler pour vivre sans travailler. OK? Le contraire de la pancarte de Switch. Mais ça, ça veut-tu dire que la plupart du monde, quand ils vont travailler pour inventer ou travailler pour créer un objet ou peut-être un service, que on pourrait s'en passer de ça? Ben oui. Tu sais, moi, j'ai pas besoin de la mode. Je sais pas si toi, tu en as besoin. Non, pardon. Ben non. Tu sais, peut-être que j'aimerais avoir une couleur, là. Tu sais, c'est tout, là. Ouais, c'est ça. Juste pour dire qu'on n'est pas tous des gris drabes comme dans Big Brother, là. Ouais. Mais on a, tu sais, on crée des lois. On a une quantité épouvantable de lois. Mais si on avait une seule loi selon laquelle on n'a pas le droit de mentir, ou même si on avait juste une loi qu'on taxerait le mensonge, il n'y aurait plus de déficit. OK. Fait qu'au lieu que le monde ait travaillé pour faire des produits cheap qui vont briser, puis que là, ben ça faut toujours que tu en achètes, faut tout le temps qu'il en crée, le monde créerait un objet qui dure longtemps, puis la personne n'aurait pas besoin d'aller travailler pour créer tout le temps des produits cheap. Exactement. Fait que là, en refusant de faire de la cochonnerie, OK, elle pourrait dire, OK, moi, mettons que c'est un ingénieur qui design des autos, moi, je vais faire une auto électrique. OK? Qui va être réparable avant d'être recyclable. Mm-hmm. Qui va avoir une durée de vie très longue, qui va être ergonomique, qui ne sera pas sabotée, qui va aller tellement bien que tu n'y penseras même pas, que tu n'auras pas le goût de changer, là. Mm-hmm. OK? Mais l'ingénieur qui ferait ça, lui, il pourrait dire, OK, à cette heure, j'ai plus besoin, je pollue moins, donc je vends mes droits de polluer pour vivre sans travailler. Au lieu d'envoyer mes enfants se faire brainwasher dans une garderie ou une école de l'État, je les élèverais moi-même. Mmh. Au lieu de prendre mon char pour aller travailler, pour gagner de l'argent, pour payer mon char, mmh. ben je pourrais rester à la maison puis m'occuper d'un jardin. Mmh. Mmh. Ce qui polluerait moins pour me nourrir. Mmh. Tu sais, bon, etc. On peut étendre ça. Mais là, tu aurais un vendeur qui pourrait dire, moi, je vais vendre juste des produits comme ça. C'est mon libre choix. Je vais travailler moins, je vais vendre moins, je vais polluer moins, fait que je vais embarquer sur la bourse du carbone, moi aussi. Mm-hmm. C'est mon libre choix. Toi, tu as le choix d'aller voir le vieux vendeur qui accepte pas le nouveau système, qui vend de la cochonnerie, ou ben non, celui qui vend juste des choses qui ont de l'allure. Lequel des deux tu choisirais? Mm-hmm. Tu choisirais celui qui ment pas, pareil comme moi. Ça veut dire que le vendeur qui continue de mentir, lui, un moment donné, sans qu'on le force, sans qu'on lui torde de bras, il embarquerait et dirait, hey, je suis pas plus con que les autres, pourquoi je continue à faire de la merde? Autrement dit, une économie de décroissance, ça signifie le ciel sur terre, même pour les athées. OK? Parce que tu pourrais aller en prison et dire, toi, tu étais un voleur. Tu gagnais ta vie en volant. Ça nous coûte 70 000 piastres par année pour te maintenir en prison. Je t'en donne la moitié puis t'arrêtes de voler. C'est cool? T'acceptes-tu? Ben oui, il accepterait. 35 000 piastres par année, t'es à l'aise en maudit, on est-tu d'accord? Ouais, mais peut-être que nous deux, oui, mais le monde, là, sont brainwashés par la télé pour, ils ont besoin d'un iPod, d'un iPad, d'un iTunes. J'ai ma réponse. Ouais? Oui. Le gars, là, qui est en prison, ça ne tente pas de rester en prison. Ça ne tente pas de faire le mal. Le mal, il vient pas de l'homme. Le mal, il vient du mensonge, de sa lignée sanguine de menteur, les rois, les reines, les papes, mm-hmm. OK, qui descendent de Babylone. Mais ils viennent pas de toi, puis ils viennent pas de moi. Mm-hmm. Hein? Parce qu'ils viennent pas de l'homme, ils viennent du mensonge, de sa lignée, mais de ceux qui croient dans le mensonge, de ceux qui croient dans l'économie de croissance, qui est complètement débile. Tu sais, on court après notre queue. Il va raconter ça, toi, que le développement durable se peut avec une économie de croissance à un pompier, puis il va t'arroser, avec raison. Tu sais, c'est... Finalement, l'argent est une dette. OK? Quand on a 20 piastres dans nos poches, c'est parce que la dette, mettons, du Canada a augmenté de 20$. Fait qu'on pense qu'on travaille pour nos enfants alors qu'on les, on les embarque dans une dette. Ah ouais. Ça, c'est un mensonge-là, là. Tout le monde le connaît. Ou à peu près. Mais on veut pas l'accepter. Mais moi, je l'accepte. Puis je dis, ça fait partie de la machine. Le symbole de piastres, c'est un 11. C'est un symbole préféré. Ils pissent des 11 partout, eux autres. Avec un serpent qui l'étrangle. C'est ça, le signe de piastres. C'est clair. C'est clair, clair, clair. Parce qu'ils veulent qu'on porte un acte de foi envers le mensonge, envers l'économie de croissance. Ouais, mais le monde envers le font. Michel, le monde le font. Ils font, ils portent un acte de foi là-dedans. Puis le monde, là, ils ont besoin, nos contrôleurs ont besoin qu'on aille travailler, puis que l'homme travaille dans le couple, la femme travaille dans le couple. Pourquoi? Parce qu'ils prennent 50% de notre salaire en impôts. Ils ont, puis si, tu sais, comme, comment qu'on va faire pour arriver à ce que les contrôleurs disent « Ah, ben c'est beau, on y va avec une économie de décroissance où il y a moins de travailleurs. » Moins de travailleurs, ça veut dire moins d'impôts. Toi, avec ta bourse du carbone, comment qu'on fait pour rembourser ces crosseurs-là pour qu'ils nous laissent aller, tu sais? OK. Là, on parle de théoconomie. La théoconomie, c'est pas l'économie de décroissance, c'est son contraire, ça. C'est l'économie de croissance, quand je parle de théoconomie. Mm-hmm. OK? C'est, finalement, ils veulent qu'on adore le matérialisme, la richesse, mm-hmm. qui est superficielle, c'est tout du stock saboté. OK? Mm-hmm. C'est complètement ridicule d'adorer du stock qui est saboté, mais c'est ça qu'on fait. Mm-hmm. Tu sais, la technologie est mauditement plus simple que ce qu'ils nous en disent. Ils nous mentent au sujet de toutes les sciences, incluant la technologie, l'électronique et l'informatique. Mm-hmm. Mais, attends un peu. T'as fini ta phrase, t'as sur quoi je me suis... Dans le fond, moi, ce que je voulais dire, c'est que si on travaille pas... Oh, on a des petits problèmes avec la communication. On a des problèmes avec le Skype. Je sais pas si tu m'entends encore. Oui, je t'entends. OK, bien sûr. Ben, ce que je disais, c'est que là, on travaille. OK. On travaille. On travaille. Ils nous proposent de rembourser une dette. Mm-hmm. Avec quoi est-ce que tu veux qu'on rembourse? L'argent? L'argent est une dette. Mm-hmm. C'est impossible en partant. C'est aussi simple que ça. C'est aussi con que ça, là. Rothschild a créé la Banque d'Angleterre en 1694. Hein? La Federal Reserve en 1913. Mais après avoir créé la Banque d'Angleterre, là, ça a été quoi? Le colonialisme, le capitalisme, l'impérialisme, qui ont rien que pris de la force. OK? Mm-hmm. Ils ont divisé les églises, ils ont fait semblant, ils se sont arrangés pour que les morceaux se chicanent entre eux autres. Ils ont divisé des pays, ils ont signé des frontières, ils ont créé des guerres. Puis tout ça, c'est l'histoire de l'argent, c'est l'histoire des Rothschild, là. J'invente rien. Mm-hmm. OK? Parce que ça fait partie du même plan. Matérialisme. Le matérialisme, tu sais, comme, mettons, la mécanique quantique dit que la mort n'existe pas. OK? On ne peut pas détruire une information. Rien ne se perd, rien ne se crée, c'est ça? Entre autres. L'homme ne peut pas créer d'énergie non plus. C'est un autre mensonge des religions New Age. OK? On ne peut pas créer d'énergie, on peut juste la changer de place, la changer de forme, mm-hmm. de chimique à électrique, à mécanique, peu importe. Mais c'est toujours le même mensonge. C'est toujours pour nous empêcher de porter un acte de foi envers Dieu, à porter un acte de foi envers le mensonge. Toujours, toujours, mm-hmm. toujours. Puis, fait que, pour répondre à la question, on ne peut pas rembourser de dette, c'est impossible, mm-hmm. parce que ça nous prend de l'argent, puis l'argent est une dette. Fait qu'on peut juste remplacer une dette par une dette, puis en fait, c'est exactement le même mensonge que les papiers commerciaux avec lesquels ils nous ont volé 40 milliards dans la caisse de dépôt. En passant à tout, en tout cas, ce qu'ils veulent qu'on croit, c'est que Paul Desmarais est responsable de ça. Tu sais, là, récemment, on entend que Michael Sabia, qui est l'ancien directeur de Bell Canada, qui est devenu le président de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, qui est allé passer... une vacance avec Jean Charest chez Paul Desmarais dans le château de Sagard, là. Mm-hmm. J'ai entendu ça, ouais, aux nouvelles, là. C'est le terrain de 75 km² qui a payé une pièce. C'est dans Charlevoix, ça, je pense? Oui. Ouais. Oui. Et puis, bon, tu vois, son ex-employé, Maurice Strong, lui, a 220 km² au Colorado. Il a payé ça, j'imagine, des peanuts, tout comme Pauline Marois, là, qui a eu tout le terrain qu'elle a eu pour des peanuts aussi, là, en tout cas. Ben oui. Et tout ça, là, c'est comme, finalement, Pauline Marois nous laisse croire qu'on peut devenir un pays souverain. Ouais. Hein? Pas avec elle, en tout cas. Mais on est une colonie. Ben oui, mais ils font semblant de se chicaner dans le PQ. Ouais. Tu sais, même Amel Kadir, là, de Solidarité Québec, là, ah, Québec solidaire, ouais. Ben lui, c'est un médecin iranien, ouais. Hein, qui a fait semblant de pas voir que probablement Paul Desmarais volait la caisse de dépôt avec comme complice Henri-Paul Rousseau. Ouais, il a fait semblant de pas le voir, mais il savait, il a fait une vidéo sur YouTube dans laquelle il dénonçait que Henri-Paul Rousseau, quand il était président de la Caisse de dépôt, il avait autorisé des investissements dans Power Corporation, Total, Encana, puis toutes sortes de compagnies reliées à Paul Desmarais et plusieurs autres reliées au gaz de, au sable bitumineux. Mais lui, Amir Kadir, là, le sauveur de la gauche, là, c'est juste une question de temps qu'on voit ses vraies couleurs, parce que lui, là, quand il était pas élu, c'est facile de dire n'importe quoi. On va remonter on va faire ci, on va privatiser, on va rendre ça public, on va monter le salaire minimum, c'est bien facile. Là, il est rendu là sur le banc, mais il est encore petit. Si lui monte là dans les échelons, là, on va commencer à voir que le petit peuple, là, il va s'en foutre de plus en plus. Ah, c'est sûr. Il y a aucun politicien qui est honnête. Jardin, là, la notion des partis politiques n'a aucun sens. Ah, non, mais regarde au fédéral, là. OK? T'as Harper, hein, joueur de harpe, hein, dont on parle dans l'Apocalypse. Harp, tu sais, le harp qui crée des tremblements de terre. Ouais, le H-O-O-R-P, là. C'est ça. Bon, mais il parle de joueur de harpe, mais il parle de harpe aussi dans l'Apocalypse, en même temps qu'il parle de tremblement de terre. Mais Harper est un faux juif. Harper, il est sioniste à l'os. À l'os, ben oui. Il a fait un speech à un moment donné où ce qu'il disait, là, que, il y a juste le peuple d'Israël qui subit des injustices. Le seul peuple sur la terre qui subit du terrorisme et de l'injustice, c'est le peuple d'Israël. C'est le contraire. Ben, exactement. C'est le contraire. C'est eux autres qui créent tout le terrorisme. Ben oui. C'est les faux juifs qui ont créé le 11 septembre 2001. Il y a Missing Links, qui est une vidéo qui fait la liste, OK, des faux juifs, souvent avec un double passeport, qui est à l'intérieur du pouvoir, à l'intérieur du gouvernement américain, puis avant, pendant et après le 11 septembre 2001, c'est fantastique cette affaire-là. Tu vas écouter ça là. Puis il y a jamais personne qui a dénoncé un seul mensonge dans cette vidéo-là. C'est fantastique. Hey, c'est intéressant ce que tu dis, excuse là, sur le double passeport. Parce que j'écoutais une émission de radio américaine. Je me souviens plus c'était qui l'autre qui animait ça, puis il disait qu'un des problèmes qu'il y a aux États-Unis, c'est la double citoyenneté. Parce qu'il disait que tout le monde qui sont citoyens d'Israël, ils sont citoyens des États-Unis, mais ces gens-là, ils se ramassent dans les partis politiques, ils se ramassent Barack Obama là dans son équipe. La plupart, c'est du monde qui ont la double citoyenneté, Israël puis États-Unis. Puis là, il disait que si on disait une citoyenneté, là, mais on n'aurait pas les problèmes qu'on a là, tu sais. Ben, Hillary Clinton est une fausse juive. Oui? Oui, mais elle n'est pas... non, mais elle l'a dit. Ah oui, elle se déclare comme étant... Une juive. Elle dit qu'elle est juive, mais elle n'est pas juive, donc elle forme une synagogue de Satan, selon l'Apocalypse 2.9 et 3.9. OK, oui, dans ce sens. C'est la chef de la diplomatie. Ça a toujours été... Tu sais, avant, il y avait des super médecins, OK, qui étaient le médecin du roi, mais qui étaient le chef de la diplomatie, hein, comme en Espagne, puis qui avaient des liens avec les Khazars qui se sont convertis aux faux juifs, des liens diplomatiques officiels. Mm-hmm. Le cardinal de Richelieu, OK, Maurice Duplessis, a dit lui-même qu'il était le descendant direct du cardinal de Richelieu. Ah. Dit Duplessis. Ouais, okay. OK? OK. Elle est un cardinal, là, c'est pas supposé avoir de flou, ça, là. Ouais, ben, à l'époque, non, mais... Ben, ben... Il jouait peut-être... Ben, aujourd'hui, aujourd'hui qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a au Vatican? On a Joseph Ratzinger. Ouais. Hein, ça se prononce comme Kissinger. Un ex-nazi, Un ex-nazi, ouais, un faux juif, ouais, qui insulte Dieu avec son linge. Mm-hmm. OK? Qui est un promoteur du Nouvel Ordre mondial, hein, il a même demandé à Obama qu'on donne plus de dents à l'ONU, puis que Obama est allé ramasser son rapport pendant le G20 de Rome, je sais plus, là, ça fait peut-être 2 ans de ça, là, peut-être en 2010, quelque chose de même. Mm-hmm. Mais le pape, il ment au sujet de Dieu, tout le monde ment au sujet de Dieu, tous les médias, parce que Dieu, là, c'est pas compliqué comme ils le disent. C'est pas le Dieu de... Obama, le 11 septembre 2011, OK, il a cité le roi David qui descend de Babylone, puis dont on dit qu'il est l'ancêtre de la reine pape d'Angleterre, là. Mm-hmm. OK, il a cité les psaumes 53, dans lesquels le roi David, qui les a écrit lui-même, dit « Je suis Dieu ». Fait qu'on a entendu Obama dire « I am God » et prendre une pause. OK? Ouais. Hey. Sur le site du 11 septembre 2001, il y avait les pieds sur du schiste, de l'argile, OK? Comme les pieds du colosse de Daniel 2.31, qui a des pieds qui sont un amalgame de schiste, d'argile et de fer, qui vont être fracturés et qui vont faire que tous les empires vont s'écrouler. Or, il y avait du schiste sous le World Trade Center, dont on a fracturé la footing 11 secondes avant qu'il s'écroule en dedans 11 secondes, le 11 septembre 2001. Mm-hmm. Les deux tours ressemblent à un 11. Mm-hmm. C'est un peu comme le pied de la plateforme de BP dans le Golfe du Mexique, le Deepwater Horizon. Mm-hmm. Mm-hmm. Le pied était fracturé. Mm-hmm. Hein? Ouais. Ben, il perçait dans du schiste, ça s'est écroulé comme une montagne en feu qui roule dans l'océan, qui est transformée en sang comme dans Apocalypse 8. Mais ben, c'est Dick Cheney qui était propriétaire d'Halliburton qui a fucké la job. Mais ben, c'est Dick Cheney qui était vice-président sous Bush quand le World Trade Center est arrivé. Pis c'est Dick Cheney par Halliburton qui a créé la technologie du gaz de schiste que l'on fracture sous nos pieds, qui est un poison épouvantable que tout le monde sait. Ouais, ouais. Fait que tout ça, là, c'est du déterminisme. Ben, c'est ça. Michel, excuse, je t'interromps, mais c'était justement, là, c'est le temps de prendre une pause, mais je voulais justement, en revenant de la pause, te poser la question, justement, de c'est quoi le déterminisme par rapport au fait que le monde, en général, il pense que les choses arrivent par hasard, OK? Puis que toutes les choses nous arrivent par hasard, OK? Bon, mais... OK, il faut parler de probabilité. On va prendre une petite pause, puis on va revenir tout de suite après. OK. OK. te laisse pas embarquer. OK, donc on est de retour et je vous rappelle qu'on parle avec Michel Doré-Lauzon. Je l'ai eu correct cette fois-là. avant qu'on quitte, on disait que moi je disais, Michel, que les gens en général pensent que à chaque jour, ils écoutent les nouvelles, puis les choses nous arrivent par hasard. Le hasard joue un gros rôle dans la vie des gens. Mais toi, tu penses un peu le contraire. Tu nous parles d'un déterminisme, c'est-à-dire que les choses sont déterminées d'avance. Puis c'est, ouais. Donc, c'est à quoi tu réfères au juste là-dedans? À la science. OK. On prend un jeton, une pièce de monnaie qui est vraiment pas truquée, OK? Toi puis moi, on l'inspecte, là, puis on est sûr qu'il est pas truqué. Puis on tire à pile ou face. Si je gagne 99 fois contre toi, OK, de fil, tu vas te poser des questions. Ben, moi, je suis réveillé, oui. C'est ça. Fait que la science, elle nous dit que la centième fois, j'ai encore une chance sur deux de gagner, que ce sont tous des événements indépendants. Exactement, oui. Ça, c'est la science des probabilités. Oui. Sauf que si je tire la centième fois et que je gagne encore, là, je vais t'approuver si jamais tu veux me taper. OK? On m'a dit, t'as raison de vouloir me taper. Ben oui. Puis notre intuition nous dit ça aussi. OK? Ça n'a aucun sens ce que la science dit. OK? Mm. Puis l'intuition, là, elle nous vient de Dieu, je pense. Elle nous vient de notre intelligence. Puis elle est fiable. Puis on ne sait pas qu'elle est fiable. Mais elle l'est. Moi, je l'ai testée à la mienne. Quand je pensais que j'étais paranoïaque, entre guillemets, parce qu'eux autres veulent nous faire passer pour des paranoïaques si on parle de Dieu, là. Ben, ou si on ils parle nous de... faire passer par des fous. Ou si on parle de n'importe quoi qui va à l'encontre de les masses médias, on est paranoïaque. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Oui, ben, c'est bien dit, ça. Fait que la science n'a jamais prouvé que tous ces événements-là, ils sont vraiment indépendants. La science des maths, la probabilité, est basé sur le fait que le hasard existe, ce qui a jamais été prouvé. Jamais. Au contraire, il y a des générateurs de nombres aléatoires qui servent, puis il n'y en a jamais aucun d'entre eux qui a été prouvé comme créant vraiment, tu sais, d'une façon là, prouvée, là, rationnelle, que ça crée réellement du hasard. Je suis d'accord avec toi. C'est juste un algorithme mathématique que si tu la connais, ben t'es capable de savoir le prochain nombre qui va être tiré, tu sais. C'est ça. Ouais. C'est comme le gars qui a gagné au Kino. Exactement. Tu sais, ouais. Contre l'Auto-Québec, là. Puis, ils n'ont pas voulu le payer. Il est en cours, puis il a gagné. Puis, c'est ça. Donc, tout nous indique que le hasard n'existe pas. Les systèmes d'encryption, là, pour passer des messages secrets, sont basés sur des générateurs de nombres aléatoires. Il n'y en a jamais aucun d'entre eux qui a résisté. Finalement, la définition du bruit, OK, c'est que tu as tous les symboles, mettons des zéros puis des 1, ou bien non, des lettres, ou bien non, des ondes sonores, là, qui sont complètement aléatoires, vraiment aléatoires. Mais il appelle ça du bruit blanc en électronique, parce que la notion est importante. En électronique, puis en communication, la notion de bruit est très importante. Fait que, si tu veux, ben, il y a Shannon qui a prouvé que la quantité d'information qui est amenée par n'importe quoi est proportionnelle à la foi qu'elle apporte dans l'esprit de celui qui la reçoit. Comme le placebo. Ça, c'est, ouais, un peu, si tu veux. Mais c'est un peu, ça, c'est ma définition à moi, mais pour vrai, ce qu'il a dit, c'est que la quantité d'information qui est amenée par X, n'importe quoi, là, X, est inversement proportionnel à la probabilité d'occurrence de X. OK? Si je te dis, il a mouillé l'été passé, probabilité 100%, l'inverse de 100%, c'est 0%, rien, pas d'information. OK? Si je te dis que on a eu 6,6 pouces de verglas en 1998, 3 fois 6, c'est 6, puis que le maire Faux-Juif a forcé le monde dans polyvalente de Saint-Jean, puis il leur a ordonné de se laver à l'eau froide parce qu'il se faisait prédire par la CLSC qu'il y aurait une épidémie en dedans de 24 ou 48 heures. Là, tu as plus d'informations. Mm-hmm. Parce que la probabilité est faible. OK? Mais la probabilité, c'est celle que tu perçois. C'est la probabilité subjective. OK? Que tu te fais d'une façon rationnelle, là, plus ou moins rationnelle, mm-hmm. selon ce que tu connais. Mais si je t'amène de la foi, ça te fait de l'information en sacrément. Mm-hmm. Parce que ça se peut pas. Hein? Tu sais, on a dans la tête comme que Dieu se peut pas. Parce qu'il arrête pas de nous dire qu'il se peut pas. Mm-hmm. Parce que tout ça, c'est une guerre d'intelligence tout le temps la même que Caïn et Abel. C'est certain, il y a une guerre pour notre pensée. Tu sais. Exactement, c'est pour voler de l'intelligence. Voler des âmes, là, j'aime pas le mot âme. Mm-hmm. J'aime mieux le mot intelligence. Parce que l'intelligence, là, c'est indestructible, c'est de l'information, l'intelligence. Mm-hmm. OK? Mm-hmm. Fait que, mettons que c'est de l'information pure. OK? Et complète. Parce que c'est comme de dire qu'il n'y a plus de hasard, tu as toute la connaissance, tu n'as plus d'informations à savoir, tu n'as plus à être surpris. Mais l'intelligence infinie de quelqu'un, c'est la même chose que l'amour aussi. Parce que si tu connais quelqu'un là tellement bien là que c'est pareil comme si tu avais vécu ta vie dans ses souliers à lui, là, mais tu peux pas faire autrement que l'aimer, même s'il est méchant avec toi. Mm-hmm, mm-hmm. Fait que ça contredit pas Dieu, ça le prouve. Mais si là le hasard, c'est pas ce qu'on pense, mais puis que les choses sont prédites, mais comment il y a une force derrière tout ça qui fait que les choses arrivent d'une façon prédéterminée. Oui. Oui, il y en a qui appellent ça le nouvel ordre mondial, mais c'est en place depuis Caïn. Mm-hmm. OK? Finalement, là, Caïn, il a baisé avant, Adam, c'est le premier qu'a eu. OK? On va faire un film, mais c'est ça que c'est. Ah ouais? Oui. Puis, c'est pas important que l'image soit précise plus que ça, parce qu'il fallait que ça puisse correspondre à la réalité pendant des milliers d'années pour des peuples complètement différents. Mm-hmm. Autrement dit, il y a bien des choses qui se sont déjà passées, puis qui sont décrites dans la Bible, qui se repassent encore aujourd'hui. OK? Puis là, j'ai pas d'exemple précis là, à te donner. Là. Ça, c'est juste quelque chose que j'ai perçu. OK? Puis j'ai pas pris de notes. OK? Mais je suis sûr que c'est vrai. Parce que je l'ai vu souvent. Mais pas capable de tout documenter ça, là. C'est trop complexe. Parce que c'est de l'expérience sur des années d'histoire. Si on recule dans les livres d'histoire, on se rend compte là, qu'ils vont mentir au sujet de toutes les civilisations. Ils vont mentir sur les Khazars, mais les Khazars, c'est les Skits. Les Skits, c'est les Celtes. Puis les Celtes, c'est l'Angleterre, l'Allemagne, puis la même région d'où sont partis tous les systèmes bancaires modernes. OK? D'où sont partis bien des guerres aussi. Tu sais, il y avait Charlemagne, qui était le roi des Francs, Francs-France, français. Mais Charlemagne, il parlait allemand. Hein? C'était un goth. Mm-hmm. Les goths, ostrogoth, wisigoth, vandal, arien, cavard, skit, macédonien, là, tu sais, comme Alexandre le Grand. Il raidait tout à cheval, puis il tirait des flèches, puis il tuait du monde. Puis t'as des Vandales, des Mongols. C'est toutes ces races-là venues des quatre coins de la Terre, ça ressemble aux quatre coins de la Terre dans une description de l'Apocalypse, qui s'appliquait il y a des milliers d'années, si tu veux. Fait que ça, c'est un seul là, des parallèles que je peux faire là pour dire que l'histoire se répète. Mais l'histoire se répète aussi parce que dans le livre d'Esther, OK, qui est dans l'Ancien Testament, t'as la pitoune Esther, alias Ishtar, la déesse du cul de Babylone, représentée par la statue de la liberté, qui était avec Tonton Mordecai de Baal, Marduk, le dieu du feu de pétrole de Babylone, qui allait infiltrer la Perse dans l'Iran pour créer des guerres dans les satrapes, qui sont exactement les mêmes pays partout où il y a de la merde. Afghanistan, Pakistan, Libye, Yémen, Liban, you name it, là. Égypte, Libye, tu sais, ça fait toutes des anciennes satrapes ou encore des provinces conquises par l'Empire médo-perse, Babylone, on fait pas la différence, ça descend toutes de la même source. Parce que tous les empires se succèdent de l'Empire de Babylone dans Daniel 2:31, puis c'est vrai. C'est vrai, l'histoire le prouve. Tu sais, les Mérovingiens, c'est toute la même lignée sanguine, mais ils descendent de Babylone. C'est quasiment magique. En fait, c'est magique. Moi, à cette heure-là, je dis qu'il y en a deux dieux. Il y a un dieu du vrai puis un dieu du faux. Puis le seul pouvoir du vrai, c'est la vérité, puis le seul pouvoir du faux, c'est le mensonge. Mais la vérité, c'est de l'information. L'information est indestructible selon la mécanique quantique. Sauf que le mensonge, lui, est destructible. Ça prend rien de la vérité pour le détruire. Mais Michel, je t'interromps ici parce que tu as pris une voie que je ne m'attendais pas. Mais c'est intéressant, oui. C'est intéressant ce que tu dis, mais je suis pas vraiment connaissant de la Bible et tout ça. Mais moi, quand je pensais de déterminisme là, au lieu du hasard, j'aurais l'impression, pour moi, en tout cas, c'est... Selon ma recherche, là, depuis, il y a eu des sociétés secrètes là, depuis l'Antiquité, puis eux autres, là, ils ont écrit, si on veut, ce qui allait être le futur de l'humanité. Puis, ils ont eu raison. Puis, ils ont eu raison. Le Club of Rome, le Center for Foreign Relations, Center for le Club of ICs, les Bilderbergs, tout ce monde-là, selon moi, ce que je fais, ils font qu'exécuter un plan pour mettre en place... Qui est écrit. Mais pour moi, c'est un peu plus ça, le déterministe, que ce qui était... je sais pas, Caïn et Abel ou quoi jamais, tout ça. Là, je sais pas si tu veux en venir à un moment donné dans l'histoire à ce qui se rapproche de nous, mais à part que la Bible, il n'y a pas autre chose comme que tu vois qui crée le déterminisme? Autre chose? Ben, ouais. C'est le déterminisme, il est satanique. Il est satanique. Puis pour moi c'est clair, c'est toute la même origine, c'est encore Babylone, c'est encore Moïse, c'est encore ceux qui ont créé toutes les religions, tous les continents, toutes les monnaies, toutes les religions, c'est eux autres qui ont créé ça. Il n'y a pas le protocole de Sion aussi qui fait partie du déterministe là, de qu'est-ce qui... Ben oui, le protocole de Sion là, OK, eux autres vont dire qu'il n'est pas vrai, mais le seul argument qu'ils utilisent jamais, c'est l'auteur. OK? Mm-hmm. Ben moi, ils m'ont dit, regarde, la Bible, là, c'est écrite par un faux juif qui parle de son Dieu méchant. Il parle pas du bon Dieu Moïse dans la Bible, il parle de son Dieu de Babylone, mm-hmm. qui peut faire semblant d'être bon de temps en temps. OK? Mais même quand tu fais semblant d'être bon, si tu lis le texte, tu es capable de l'interpréter comme quoi il est méchant. Parce qu'il est en train de te mentir. Mmh. OK? Puis ça n'arrête pas, là. Il n'y a aucune contradiction là-dedans. Moi, je vois ça comme aussi simple que ça. C'est une guerre entre les intelligences. Si on se pose pas de questions, notre intelligence est utilisée par le mensonge, qu'on s'en rende compte ou pas, ça paraît dans nos attitudes. C'est comme le petit tata là, qui va dire que t'es un malade, toi. C'est une théorie de conspiration que le 11 septembre 2001, hey, tabarnak, pas besoin de théorie de conspiration. Physique 101, c'est impossible. Mm-hmm. Mm-hmm. OK? Statistiquement, les sprinklers t'as éteint, etc., là. Mm-hmm. J'ai-tu besoin de faire la liste? Non. Mm-hmm. Parce qu'il faut être menteur en asti pour prétendre que George Bush nous a pas menti à ce sujet-là. C'est impossible. Non, mais c'est une stratégie vieille comme la terre, en anglais, je sais pas. C'est le despotisme. Ils appellent ça de shock and awe, tu sais. C'est ça, le despotisme. Tu crées un shock and awe. Et c'est ça que c'est. Oui. Ouais. Puis après après ça, tu viens mettre des mesures pour venir enlever les libertés aux gens et les contrôler davantage, tu sais. C'est ça, pour votre sécurité. Exactement, c'est ça. Ben, sais-tu, là, après le référendum pendant le référendum de 95, là, non, le premier, en 81. Moi, je me promenais avec une grosse, grosse affiche, là, puis dans ma vitre arrière d'auto, une grosse, grosse affiche. J'ai fait un gros drapeau rouge, tu sais, du Canada, là. Okay. Puis là, je marquais dessus « Pour ma sécurité », puis en dessous de la sœur d'érable rouge, je marquais « Plus de GRC ». Ah ouais. Parce que le scandale de la création de la fausse crise d'octobre 70, c'était des agents des services secrets de la GRC déguisés en FLQ, OK, pour se servir de notre haine, pour nous amener le Québec à haïr le Canada. Ah, okay? C'est un false flag. Oui, mais regarde, pour que notre libre choix, ce soit de refuser de signer une constitution. En refusant de signer la Constitution, le Canada demeure une colonie, mm-hmm, propriété de la reine. Mm-hmm. C'est pas de l'hostie d'hasard, ça, là. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est complètement satanique, parce que ça serait de notre propre haine contre nous autres-mêmes pour nous garder esclaves. Ça, ce que tu parles là, Michel... C'est fantastique! En anglais, on appelle ça un « false flag attack ». Puis il y en a, oui, plein de ça. Puis les experts là-dedans, là, c'est qui? Depuis Israël, les experts du false flag attack. Ils font ça, mm-hmm, tout le temps depuis le Mossad. Le Mossad, là, c'est juste ça. C'est du false flag attack. Ils créent des ils veulent créer un événement puis blâmer ça sur quelqu'un d'autre, tu sais. Tu sais, là, Michael Chertoff, qui était le directeur du FMIA sous Bush, c'est son père qui a fondé le Mossad. Il était aussi l'équivalent, là, du ministre de la Justice aux États-Unis pour diriger la commission d'enquête sur le 11 septembre 2001. Ah ouais. Oui, il rit de nous autres, on peut rire de nous autres aussi. Ouais, ben oui, il faut. On n'a pas le choix. Ça n'a aucun sens, et tout ce qui ne fait pas de sens fait plein de sens pour des faux juifs sionistes qui forment la synagogue de Satan qui dirige tout ça. Ouais. C'est ça, le déterminisme. Dans l'histoire, c'est satanique. Ouais. Je leur en veux pas, moi, là. OK? C'est pas raciste, mon affaire. Mm-hmm. Ça, c'est très important. Puis, être juif, c'est pas une religion non plus. C'est une race. Puis, eux autres, c'est une fausse race. Fait qu'il y a un triple mensonge là-dedans. Ouais. Je tiens à préciser ça, c'est pas de la haine dont je parle. Moi, je parle du mensonge parce que la vérité, elle protège. Sinon, là, je comprends pas quand ça fait que je suis encore en vie, hein. Et puis, l'information étant indestructible, la vérité l'est aussi. Mais le mensonge, lui, pour le démolir, on n'a rien que besoin d'un peu de vérité. Mm-hmm. C'est ça qui est important. Exactement. Ça, là, c'est de l'espoir à 100%. Mm-hmm. C'est une garantie. Écrite, logique, c'est physique. Ouais, ouais, ouais. Il y en a plusieurs qui parlent de ça. Ils parlent aussi de... Je suis content si j'ai réussi à apporter un message d'espoir ici, avec de la science puis de l'histoire. Ouais. Je suis bien content de simplifier Dieu, moi. Puis si t'en connais d'autres qui ne simplifient pas, là, ben pose-toi des questions. S'ils sont pas capables de te faire comprendre ce qu'eux autres disent comprendre, là. Mais moi, le message que tu dis, je l'ai entendu d'ailleurs, mais les gens parlent de la loi naturelle au lieu de dire Dieu, OK? Ce qui revient au même. Ils disent que, oui, si tu es en accord avec la loi naturelle, ben c'est ça qui est important. Et comme quand tu vois un policier qui travaille là, puis il dit je fais ma job, là il varge là sur quelqu'un avec un coup, avec son bâton, ou il met du spray d'en face, parce que le gars, il dénonce qu'il y a de la pauvreté. Mais le policier, il suit pas la loi naturelle. T'sais? Non. Et c'est ça, c'est là qu'est la nerf de la guerre. Les gens doivent suivre la loi naturelle ou... La loi du cœur, la loi du sens. C'est ça, exactement. Puis même, là, on m'a simplifié ça au bout, moi, cette loi-là. OK? Puis là, si là on avait une seule loi qui disait qu'on n'a pas le droit de mentir, il n'y en aurait plus de problème. OK? Ben oui, ouais, parce que c'est le contraire de Dieu, point. Ouais, c'est sûr, mais quand une loi, ça, c'est qui va faire en sorte qu'on amène quelqu'un devant quoi, un tribunal pour voir s'il a menti ou pas? Déjà, là, le tribunal, il va être corrompu, là. C'est... Non, attends. Là, faut pas partir du précepte que la justice serait corrompue. Si t'adoptes une économie de décroissance, là, il a pas le goût de travailler, ce gars-là. Ouais, probablement. Il a pas le goût de faire de la merde. OK? Parfait. C'est consistant, hein? Ouais, ça marche, là. Ben, ça... Il n'y a pas de contradiction. Ce que je veux dire, c'est que si tu refuses de mentir, là, essaye de me trouver un seul péché que t'es pas capable de, que t'es capable de faire sans mentir. Trouve-en un. Je pense bien qu'il n'en existe pas. Je pense que c'est impossible. Puis ça, là, c'est consistant avec tout le reste. Il y a un Dieu du mensonge, puis un Dieu de la vérité. Le Dieu du mensonge ne peut pas enlever le libre choix. Parce que ça serait de réduire l'exercice d'intelligence. Ça serait comme de vouloir détruire l'intelligence. Ouais, non, lui, il est toute intelligence. Puis c'est une guerre d'intelligence. Mais c'est une je trouve que c'est une bonne théorie. Analogie. C'est une bonne, c'est-à-dire ta théorie ou du moins ta solution, ok, si on veut, là, c'est une bonne solution, mais c'est comme toutes les bonnes solutions que les gens vont avoir, c'est quelque chose qu'on peut s'imaginer, mais de le rendre concret dans le monde dans lequel on vit. C'est facile au bout, une économie de décroissance, là. C'est très facile. Ouais, mais ça va prendre quoi? Okay? Donne-moi, là, 50 000 piastres, 100 000 piastres. Donne-moi 100 000 piastres, là, ouais. Puis je t'apporte un exemple public. OK? Je paye le salaire de la personne qui va accepter de rendre son ouvrage inutile. That's it. Puis on le publie. That's it. Pas plus que ça. T'as pas besoin de plus que ça. Ouais, mais après... L'économie de croissance, de décroissance, là, ça signifie que l'égoïsme n'existe plus. OK? Parce que l'ingénieur qui a rendu sa job inutile, là, puis qui a fait un bon produit, il y a juste le vendeur honnête qui est allé de mentir, qui va vouloir le vendre. Puis toi, ton intérêt, ça va être d'aller voir ce gars-là, pas d'aller voir le menteur qui sabote. Ça s'auto-régule. L'égoïsme n'existe plus. OK? C'est pour ça que c'est que l'intérêt individuel devient parallèle dans le même sens que l'intérêt collectif. OK? L'égoïsme n'existe plus. Juste à cause du changement des règles d'une règle simple. OK? La règle, c'est qu'on n'a pas besoin de travailler pour être libéré, c'est le contraire. Parce que l'argent est un mensonge qu'on travaille pour de l'argent. OK, Michel, okay? Si je te donne 100 000 piastres, tu fais un exemple, là, ça va être. Ouais. Puis on publie cet exemple-là, c'est bon. Mais on se bat contre des forces beaucoup plus grandes qu'un exemple, là, tu sais. Ben oui, on se bat contre un dieu du mensonge. Fait que ça, on se bat contre ça, là. Ben c'est contre ça qu'on se bat. Ça va te prendre une méthodologie beaucoup plus affûtée que ça. C'est-à-dire, ça va falloir que les gens changent leur conscience avant que ça puisse rentrer en place. T'sais. Attends, toi tu dis il va falloir, ça c'est dans l'hypothèse où tu peux croire que c'est l'homme qui va se sauver, puis ça c'est écrit que c'est pas ça qui va arriver. Ok. Okay? Ouais. Autrement dit, les révélations, ça s'appelle l'apocalypse en grec. Ok. Les révélations, c'est de l'information. Hein, on est d'accord? Ouais, vas-y. Révélation, c'est parce que t'as été surpris par un hostie d'information. Ok. Ouais. Ça, c'est consistant. C'est toujours la même chose dont je parle, là. Parce qu'il y a quelque chose de grand. Il y a quelque chose de grand qui s'en vient, là. Ben, il y a quelque chose de grand. C'est que le mensonge ne peut pas gagner. Le mensonge est mortel. Ça prend rien que la vérité pour le tuer. Mm-hmm. OK? Tandis que l'information est indestructible selon la mécanique quantique. Donc, le mensonge est temporaire. Il va se servir du matérialisme qui a peut-être même créé ce mensonge-là. Parce que le matérialisme est un mensonge socialement, on est d'accord. Mm-hmm. Tu sais, le consumérisme. Ouais. Puis les pitounes d'un calendrier. On aime ça, les pitounes d'un calendrier. Surtout dans les salles de bain de garage. Tu vas pas l'échapper. Non, c'est bon. fait que tout ça, ça se tient, OK? Puis c'est important parce qu'ils nous font peur. Le mensonge nous fait peur. La vérité est capable de tuer. Mm-hmm. Parle-en de la vérité, sacrément. C'est le contraire qu'ils font. Si tu parles de la vérité, t'es un fou. Ouais, c'est consistant encore. C'est consistant encore. Puis autant là que tu vas descendre, puis je te jure, mon gars, tu vas pouvoir essayer de te faire des articles de test, là. logique, dont tu reviendras même pas, il n'y a rien qui contredit ça. Il n'y a rien qui contredit ça. Même pas de point de vue. Il y a même des fois, là, moi, écoute, je subis des attaques d'agitateurs de Gius, hein? Give Israel your untamed support. Gius, qui était approuvé par la Knesset pour infiltrer des réseaux sociaux partout sur Terre, qui est une armée secrète du web undercover, OK? Qui se prononce, Gius se prononce comme Jésus en hébreu. Hein? C'est comme le faux sauveur Internet prédit par Zeitgeist. Mm-hmm. Tu sais, ça n'a aucune allure. Mais ça existe. Puis, est-ce que ça existe? Hein? Ils sont en groupe organisé, synchronisé, ordonné, payé, subventionné, tout à fait. Approuvé par la Knesset. En tout cas, OK, j'arrête de prêcher. Là. Non, c'est bon, mais là, on approche vers la fin de l'émission, mais je pense que on a une bonne place pour conclure, parce que dans le fond, là, si je comprends, là, ce qu'il faut faire d'un point de vue, bon, c'est une théorie là, sur la décroissance, mais au niveau personnel, ce que chaque personne peut faire, c'est de dénoncer les mensonges qu'il voit, d'exposer le mensonge, puis d'oser en parler. Peut-être des fois, c'est juste en soulevant un point d'interrogation sur un non-sens évident. Oui, c'est ça, exactement. OK? Parce que c'est plein. Ah ouais, puis les gens commencent à le voir, mais c'est que la plupart du monde ne veulent pas en parler. Puis c'est pour ça que je tenais à en parler avec toi, parce que je sais que toi t'en parles, puis moi je fais la même chose. Puis c'est pour ça le message que je pense que ce serait une bonne conclusion. Dans le fond, c'est que de dire qu'il faut pas avoir peur de dire la vérité. Ben non, exactement, ça protège. Exactement. C'est ça. Ça là, t'as un beau résumé. Ben, c'est très bien. T'es meilleur que moi, toi. non, on se fait ça ensemble. En tout cas, Michel, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps là, de t'en. C'est mon plaisir. Excellent, excellent. Puis peut-être qu'on va se reparler. Puis moi, je vais continuer à écouter tes vidéos, lâche pas. Salut. OK, salut. Je suis celui qui marche. Bon, ben voilà, ceci met un terme à une autre émission de Production Radicale. J'espère que vous avez aimé l'entrevue avec Michel Doré-Lauzon et on se retrouve bientôt. À la prochaine!